qui n'ai que 16 ans. Mais je suis majeure, oui je suis majeure, oui je suis majeure. C'est trop tard pour être teenager, c'est trop tard pour être teenager, 16 ans. Mais je suis majeure, oui je suis majeure, oui je suis majeure. Petite sœur, les jeunes filles en fleurs se fanent et perdent leur couleur. Ici les sentiments c'est comme une tumeur, tu t'en débarrasses ou tu meurs. C'est trop tard pour être teenager, trop tard pour être teenager, 16 ans. Mais je suis majeure, oui je suis majeure, oui je suis majeure. C'est trop tard pour être teenager, trop tard pour être teenager, 16 ans. Mais je suis majeure, oui je suis majeure, oui je suis majeure. Teenager, 16 ans. Mais je suis majeure, oui je suis majeure, oui je suis majeure. C'est trop tard pour être teenager, c'est trop tard pour être teenager, 16 ans. Mais je suis majeure, oui je suis majeure, oui je suis majeure.